super curé. Armé de sacrements, lui, super curé. Le nouveau fidèle chaque jour les gars, sa foi déplace, se démonta. Oui, super curé.